بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Le fracas. ما القارعة. Mais qu'est-ce donc que le fracas ? وما أدراك ما القارعة. Et qui te fera jamais savoir ce que c'est que le fracas ? يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. C'est le jour où les hommes seront tels des papillons dispersés. وتكون الجبال كالعهن المنفوش. Où les montagnes seront comme de la laine, démêlées en flocons. فأما من ثقلت موازينه. Quant à celui dont les œuvres seront lourdes à la balance. فهو في عيشة راضية. Il aura une vie agréable. وأما من خفت موازينه. Et quant à celui dont les œuvres seront légères à la balance. فأمه هاوية. Sa destination sera l'abîme. وما أدراك ما هي. Et qui te fera jamais savoir ce que c'est que l'abîme ? نار حامية. Un feu très ardent.